tout dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné nous suggère des sorties et de la musique dans ses deux chroniques. Et on fait tirer des billets pour un souper humoristique. Assemblage requis, ça commence maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont servir comme repas à ce souper humoristique-là, François? De l'humour! OK, nomme-moi deux autres choses qui vont servir comme souper, mettons, c'est un repas, il y a plusieurs... Ben, peut-être que des croustilles vont être disponibles, okay. peut-être. Et peut-être de la boisson gazeuse. Ah oui! Peut-être. Ah ben. Ou même de l'eau. Je sais qu'il y a une buvette pas très loin, donc les gens vont pouvoir aller boire à leur guise. Peut-être le rembourrage de leur siège aussi. Peut-être. Qui pourrait peut-être. Être bon. Ouais, je sais pas. Donc, c'est pas un souper, c'est ça? C'est pas un souper, c'est un spectacle humoristique. Ah! D'ailleurs, on a reçu la madame la semaine dernière, je me rappelle plus exactement quel jour, je crois que c'était le mardi. Au courant de la semaine, je pense que c'était entre lundi et jeudi. C'était Marie Guillaume? Oui. Voilà. Marie-Marthe Guillaume, exactement, qui est venue nous en parler. Ça avait l'air bien intéressant avec Serge Baril en performance. Exactement, et tout ça au profit du DECBAC intégré en sciences comptables. Donc, voilà, mais de toute façon, on va en reparler un peu plus tard. Là. Oui, d'ici la fin de l'émission. Pour les faire tirer. On vous les lance en pleine face. Attention de ne pas vous couper avec les pets. Attrapez-les. Voilà. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on a les chroniques de Stéphanie Gagné. Take Me Out, avec ses sorties culturelles et artistiques, oui, de la semaine. Elle va nous présenter des spectacles qui ont lieu en région et ailleurs. Ah, ouais. Oui. OK. OK. Il y a aussi sa chronique Ton plat favori avec son coup de cœur du moment. Et on va partager les nôtres aussi avec tes crudités et mon dessert. Tout à fait. Mais voilà, c'est tout le temps d'aujourd'hui. Il ne reste que 8 émissions. 8 émissions. À la formule quotidienne. Incluant celle-ci. Incluant celle-ci. Donc, 2 semaines de 4 jours avant la fin de la session hivernale 2011 ici à C'est fou. Après ça, ce sera la session estivale. Et on aura des plans pour vous avec ça aussi. Oui. On vous en reparlera. On va commencer l'émission avec The Deers. Oh, c'est très bon, cette chanson. Ben, je te propose d'écouter Thrones. C'est bon? Oh, ça me plaît. Ben, c'est juste pour toi, François-Olivier. Et vous, à la maison et ailleurs. À Assemblage de qui? Together falls apart in a millisecond point of 0-1. It's even slower than forever could ever second point of 0-1. It's even slower than forever could ever run. There's a billion pieces left behind to share. Not a single one of us has the guts to bear across. Do you? We can't go through this again. Fucking This one's called Stella Was a Diver and She's Always Down. Just friends. Are the people wise?

vu quelque chose de même qui se peut. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. J'ai mis la pièce Synesthésie de leur futur album La Caverne qui sort au mois d'avril. On est très, très hâte de recevoir ça. C'est quand ça sort? Cette semaine, non? Pas demain? On va un petit peu. Tu m'attends 2 secondes? Je te dis ça. Que je ça sort 2 minutes. Ça sort mardi prochain, le 19 avril. Ah, le 19. Ouais. Donc, merveilleux. Toi, tu vas l'avoir aussi le 19. T'es supposé, tu l'as précommandé? C'est exactement ça. J'ai précommandé. Donc, j'ai eu Synesthésie et jus de tomate en téléchargement immédiat. OK. J'attends l'album. Merveilleux. Donc, peut-être mercredi, on va avoir... Peut-être que je vais le recevoir le jour même de la sortie. Ça pourrait arriver qu'il l'envoie à l'avance. On sait pas. Précommandé, souvent. Ça arrive, ça. Donc, François, normalement, le lundi, on parle des choses qui se passent sur le campus. Donc, c'est le moment. Il y a l'Assemblée générale de C'est fou. Oui, exactement. En fait, on tient notre Assemblée générale annuelle le 13 avril prochain à la salle ici même, en fait, au pavillon des Rébauchemins, au 10-12. Le gymnase, comme on l'appelle. Le grand gymnase. Donc, voilà, c'est important de se présenter, tu sais, parce que, premièrement, c'est sûr qu'en fait, on se cachera pas, il faut avoir quorum. Oui. Donc, ça prend... en fait, le chiffre exact, je sais pas... Mais donc pouvoir nous aider un peu. Ah oui, c'est ça, exactement. Juste prendre connaissance de ce qui se passe. En fait, là, il va y avoir en fait, un rapport du DG, en fait, de ce qui s'est passé tout le en, DG, toi. En 2010. Ouais, ben. C'est ce qu'ils disent. Ah ben. Donc voilà, en fait, là, on va faire le tour, que ce soit en fait là, au niveau de la programmation. Mais ça va être un résumé parce que je sais, en fait, que bon, bref, faut pas s'éterniser non plus. Non, ça intéresse pas nécessairement tout le monde dans les détails, tout ça. Non, c'est ça. Et puis le document va être là aussi pour les gens qui vont bien vouloir le consulter. Mm-hmm. Et puis les états financiers aussi. Là, donc on sait que en fait les années auparavant ça a été un peu plus dur avec ce qui s'est passé. Ouais, bon, on reviendra pas dans les détails, mais si ça vous intéresse, il y a des articles sur internet assez faciles à trouver. Mais oui, c'est ça exactement. Et on sait que la dernière assemblée générale spéciale, pas celle d'octobre, mais l'autre avant. En fait, on avait bondé 10-12. Donc les étudiants voulaient vraiment avaient leur radio et leur journal à cœur. Oui, ils voulaient garder ces médias-là à l'intérieur de l'université. C'est ça exactement. Donc je me dis, en fait, que c'est un bon suivi pour les gens qui veulent venir faire un tour, savoir en fait comment est-ce qu'on a pu de sortir de ça et puis où est-ce qu'on en est rendu présentement. Oui, ben c'est ce que les gens veulent savoir, là, cette controverse-là, que toute cette aventure, on pourrait dire. Cette aventure nauséabonde. Voilà. c'est pas. Hey, il y a 3 postes d'ailleurs d'administrateurs pour les étudiants et 3 postes pour les membres de la communauté. Ça veut dire en fait tous les gens qui sont pas étudiants. Ouais, pas étudiant et résident à Trois-Rivières. Donc c'est ça, pendant l'Assemblée, il va y avoir une chance pour vous de vous présenter. Oui, exactement, il va y avoir des élections. Et puis peut-être que vous gagnerez et que vous serez dans le CA de C'est fou. Et vous aurez plein d'aventures, vous aussi, mais des aventures un petit peu moins compliquées, espérons-le, que la Oh, oui, exactement. Ouais. Donc, ça se déroule, c'est ça, mercredi, le 13 avril, à partir de midi. Donc, faut arriver de bonne heure. Mm-hmm. Faut être là, premièrement. Mm-hmm. Et puis c'est pas extrêmement long. Puis non, c'est ça. L'idée non plus, c'est pas d'éterniser ça là, pour que les gens s'écœurent. Non, tout ce qu'on veut dans le fond, c'est que vous participiez parce que c'est votre radio. Exactement. À vous les étudiants. Et ça vous appartient. Donc, ça vous appartient. Voilà. Voilà. Et puis moi, je vais mieux dormir à partir de ce jour-là. Ah oui? Le jeudi, là. Donc, on rappelle la date, c'est mercredi au 10-12, ici même au pavillon de Rébauchemin de l'UQTR. C'est l'Assemblée générale du groupe des médias étudiants de l'UQTR. C'est fou, Zone Campus. Merci, voilà. Merci à toi, François. Voilà. Et puis, hey, justement, en fait, là, pendant qu'on est là, hein? Ben oui, hop. Hey, il m'en lance. Je l'ai échappé tellement qu'il m'en lance. Oh, ouais. OK. Donc, on a un concours pour vous. On a des billets à faire tirer pour le spectacle Pile ou Farce, un spectacle humoristique de Serge Baril au profit des étudiants du DECPAC intégré en sciences comptables. Ça a lieu au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières le jeudi 28 avril à 20h. C'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre après. C'est la fête de ma maman. Ah, oh, ben, Colin, oui. Tu en donneras des billets, garçon. Ouais, mais je vais les acheter, moi. Ah, bon. Jeudi 28 avril, 20h, c'est des billets qui valent 10$ chacun pour ce spectacle Pile ou Farce. Et ça peut être très drôle. Oui, ça pourrait facilement l'être. Moi, j'ai entendu des bons commentaires. Oui, et puis l'année passée, d'ailleurs, il y avait rempli. C'est ce que la dame... Marie-Marthe Guillaume. C'est ça, exactement, qui est venue nous voir la semaine dernière, nous disait. C'est que l'année dernière, c'était un peu le même type de spectacle. Et puis... ça a été bondé. Ouais. C'est pour donc ce spectacle-là qu'on vous donne des billets. 819-376-5183. On attend au téléphone. 819-376-5183. On écoute Yesayer, voici Mondegreen. Fucking lots, perhaps the fire in the air, but it's so dirty. in my bed. Everybody calls us in my head. Everybody disaster. Everybody's all up to us. Everybody's fucking on me and my baby. Make a love to the morning light. Make a love to the morning, morning light. Make a love to the morning. Everybody's fucking on me and my baby. Make a love to the morning light. Make a love to the morning, morning light. Make a love to the morning. S.A.E. et Monde Green sur l'album Hot Blood. J'aime ça. T'aimes ça? J'aime ça beaucoup, moi. Pour ça, j'ai mis ça. Pour Sima. Ah, que ça commence bien, ça, et que ça finit bien. Tout est bien entre les deux. C'est comme le début, la fin et le milieu. C'est comme un whippet. Tout est bon. Oui, ou Hitchcock. Ah oui? Ouais. C'est la même chose. OK, ouais. Même chose. Ouais, c'est pas. François? Oui? Tu sais qu'au Palmarès c'est fou, tu connais l'émission Les Palmarès c'est fou? Malheureusement. C'est les jeudis après-midi à 14h. Tu sais que Stéphanie et moi, on fait une chronique là-dedans. Oui. Qui présente les meilleurs moments d'assemblage requis. Oui. Et je me suis dit que ça pourrait nous faire plaisir de réentendre cette chronique-là une fois de temps en temps, parce que bon, tu sais, à un moment donné... La semaine dernière, ça? Les meilleurs moments de la semaine passée, je voulais le faire au début de l'émission, mais bon. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 4 avril 2011. On surveille notre manière de parloge. Parce qu'on a quelques littératures aujourd'hui, donc on va bien parler. On va essayer au moins. C'est du bonheur en canne. Ah, d'accord. Est-ce que toi, ton ouvre-boîte ce matin, François? Ben oui. À chaque matin, écoute, c'est ce qui se passe quand je mets le pied par terre. C'est dans ta poche. Donc. Ah, c'est ce qui se passe. Ah, tu piles dessus. C'est ça. Toi, dans l'intro, c'est toi qui fais plein de gaffes et tu tapes des balles. Et Colin, François, tu m'avais pas dit ça. T'es bien ce matin. Ben oui, ça met de bonne humeur, toi. On aime ça. On aime ça, les mêmes. On aime ça. Hey, Mathieu, tu sais ce que j'aimerais par-dessus tout? Des câlins. Ouais, ton petit ourson, ta petite serviette que tu traînes puis tu babes dessus. Non, c'est pas ça du tout. Non. Ah. Des jujubes. Des jujubes. Ah, tu vois, je trouve bien avec ça. Ah, des jujubes. Moi, c'est François-Olivier. Moi, c'est Mathieu Plenty. Plenty of Matthews. Yeah. Ça, c'est fou. 89 FM. J'ai raté ma faim un peu. Comme un chat. Un petit chat. Un petit chat ce matin! J'allais transitionner avec une façon de... Je vais laisser faire le féminin. Ouais. On va dire chaton. Mettons. Encore là. Chaton, ça porte à confusion, mais ouais. Bon... Juste m'appeler Milly aussi. Ça va être la fin d'assemblage requis pour aujourd'hui. On va se retrouver demain matin à 7h avec une autre toute nouvelle émission. On en fait une par jour de ces nouvelles émissions-là. On est productif? Pour l'instant, en tout cas. on va aller entendre un petit bloc que François lui-même a choisi. Je te dirais que tu nous as arrangé ça tel... Tu sais, le jeu avec les bâtons de bois? Comment ça se Jenga. Fait, ah ouais? Jenga. Que t'enlèves, faut pas que ça bouge. C'est ça, exactement. Ouais. C'est comme ça, un petit peu. Tu sais, faut faire attention à ce bloc-là. Parce que si tu y touches trop brusquement, tu pourrais tout faire tomber l'émission. Oh. Ah. Ben, c'est ça, assemblage requis, hein? Oui. C'est une construction fragile. Donc, soufflez pas. C'est ça. Respirez pas, finalement. T'sais. Restez dans un coin. Écoutez pas l'émission, ça pourrait tomber. Non, écoutez-la, sans blague. Ben oui. Aujourd'hui, je sais pas ce que tu trouves. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que tu trouves? On joue de la musique calme aujourd'hui. Calme! On est relax. Relax! Et tu parles au ralenti! Oui! Et que c'est le fun à l'oreille, hein? Et plus tard en soirée à 21h, c'est du trance avec Psy-TR. Non, pas tellement le genre de musique qu'ils jouent là-dedans, pas sûr. Pour contrer les préjugés face aux problèmes de santé mentale, donc, Mathieu, on va essayer de régler tes problèmes. Ah oui, bon. C'est toujours moi le cobaye. Je trouve que c'est n'importe quelle chronique qui a un problème, c'est moi le sujet. Je t'aime. Ah, crime, c'est très cool. Moi, j'ai le Picom. Moi, j'attends le projet Jean Style. L'année suivante, je pense. Après le Picom, tu fais le Jean Style comme Jean. Comme Picom Jean Style. Non. Non, hein? C'est Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante. Simon Fatibé, François Landry, Mathieu Plante, François-Louis Marchand. Ça ressemble à ça. Et les requins. Et les requins, tout à fait. Ben oui, voyons donc. Les requins restent avec nous pour... C'est comme si je les avais oubliés, ben, ces beaux petits requins. Moi, en tout cas, je les mettrais en première position. Mais bon, moi, j'ai du respect pour eux. Mais bon. Si tu veux, toi. Girls, the BC Boys. Yeah! Hein, te l'as-tu dit ou te l'as pas dit? Il me l'a dit. Bon. Bon, fait que ça devait être ça? Ben oui. Bon. Ça reste à... Oui, ben oui, on travaille avec ça, avec C'est fou, donc on verra. Ah oui, c'est fou, oui, la Radio Campus de Trois-Rivières? Oui, oui, oui, ah. la meilleure radio, là. Ah. C'est une vraie chose. Peut-être pas l'ultime radio, mais la meilleure radio. Nous aussi, on peut s'en trouver un mot comme ça. Ben oui. La meilleure radio. Ça sonne bien. C'était les meilleurs moments d'assemblage hockey pour la semaine passée, la semaine du 4 avril 2011, et ici, en direct, en ce lundi 11... avril. Janvier. Janvier. Ramène-nous pas au mois de janvier, toi, là. Oh, non. Pas janvier. Non, non, non. Et puis, c'est une température hein, du mois d'avril. Massade. Mais il va faire chaud. Donc, oui. Ça va fondre et puis... On dit comme 15 et plus degrés là, Celsius centigrades. Là. Avec beaucoup de pluie. Ouais. Il n'y aura plus de neige après, au moins. Non, c'est ça, exact. Ouais. Donc, restez avec nous. Tiens, on va même terminer l'heure, là. Ça te tente? Right. On termine l'heure, on va revenir tantôt. Qu'est-ce qu'on a en deuxième heure, François-Olivier Marchand? On reçoit Stéphanie Gagné! Oui! C'est vrai. Et puis... C'est à peu près ça. On Et a puis, deux ben, tu vas être là, je vais être là aussi. Ben, donc, en tout cas, sinon, ce sera peut-être toi, une fois de temps en temps, peut-être seul, je sais pas. Peut-être, ouais. Ce serait peut-être moins, moins gossant, mettons. Ouais, OK. Donc, Stéphanie Gagné et François-Olivier vont co-animer l'émission tantôt. Cet assemblage de qui reste là. Bonne nuit, Mathieu. Bonne nuit. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. De retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis pour ce lundi 11 avril 2011. Oui, avril! Avril! Avril! Pas janvier. Non, pas janvier. Tu sais, tu connais le dicton? Oui. Hein? Vas-y. En avril, ne te découvre pas de fil. C'est ça. Si tu ne veux pas être grippé en mai. Et voilà. Donc, bon, aujourd'hui, je pense qu'on peut se découvrir un peu. Un peu, moi j'irais juste avec un petit coupe-vent peut-être au pire. Petit coupe-vent, ouais. Veste. Imperméable. Ouais, ça, ben, une capuche parce que sinon, pas de capuche, attention. T'as des cheveux tout trains. C'est un petit peu sûr. T'es pas un super-héros, tu peux juste enlever ta cape. Oh, ça c'est bien vrai. Super-héros comme dans la pièce de Taco Tsubo qu'on écoute. Pas pire, hein? Agréablement sûr. Merci. Te défendre contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, j'essuie le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tels malheurs, mais cette fois-ci, personne ne meurt.

they don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. Mother, Mother et la pièce The Stand sur leur album Eureka. Ce n'est pas l'extrait du palmarès qui est Chasing It Down, mais une autre pièce et j'avais envie de varier parce que j'adore cette pièce-là, The Stand. Elle est bonne aussi. Vraiment, hein? Oh, oui, elle est bonne. C'est sûrement le prochain extrait, je pense. Oh, oui. Ouais. Ça a bien du sens, pas ça a bien de l'allure. Il nous reste environ 5 minutes avant la chronique de Stéphanie Gagné, Take Me Out, sur les sorties à faire en région et ailleurs côté spectacle, François. Yeah! Oui. Tout en vous rappelant que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission d'aujourd'hui, pour les balado-diffusions et sur cif.ca pour nous écouter en direct. Bon! Ceci dit, Galaxy, ça te tente? Oui! Ben, tant mieux, parce que c'était ça que j'avais prévu. Pistons, non? D'habitude, tu me contredis, tu sais. Non, non. Non, on écoute Camouflant. Oh, Camouflant. Okay. On varie aujourd'hui. C'est un assemblage requis jusqu'à 9h. finition construite à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. We're dogs and cats, always fighting the same battle. More inclined to field my questions than to give my prayers an answer. It is unknown whether all these bells and whistles are the thorns in all the thistles in my side exposing bone. In a routine of sleepless nights, we fossilize. J.J. Ibsen et The Paper Crown avec la pièce Basement Pleasure Dome, une nouvelle entrée du palmarès anglophone de C'est Fou que j'aime beaucoup. Pas les palmarès C'est Fou, évidemment, la pièce. La pièce. Parce que mais qui joue dans les palmarès dans C'est les Fou. Palmarès. Donc, t'aimes un peu les palmarès. Oui, et j'aime la moitié de l'émission parce que c'est Stéphanie Gagné qui l'anime. OK, donc cette partie-là, est-ce que tu l'aimes? Cette partie-là, seulement celle-là. OK, c'est OK. C'est ça. On va l'accueillir d'ailleurs, Stéphanie, voici sa chronique. Hey, hey, take me out! Take me out to take the bar. Take me out to the bar. Take me out. Mettre le focus sur la bonne fenêtre. Hey, salut Stéphanie, ça va? Hello. Bonjour, bonjour. Passez une belle fin de semaine. Là. Ouais, fin de semaine très chargée. Mm-hmm. Très, très chargée. J'ai pas été devant la télé pas un instant. J'ai pas écouté de série télé, rien. Ça fait changement, donc, c'est ça? Ouais. Donc, tu nous parles des sorties spectacles à faire en région et ailleurs, n'est-ce pas, dans ta chronique Take Me Out? Oui, pour commencer, 11, 12 et 13 avril, donc lundi au mercredi, c'est les demi-finales des Francouvertes avant la finale du 3 mai qui va avoir lieu au Club Soda. Donc, le 11, Taco Tubo Cardinal et Chloé Lacasse. Le 12, Canaille, le Kid et les Marinelli et les Incendiaires. Et le 13, Harvey Kim Ouellette, Karim Ouellette plutôt, et Tracteur Jack. Et tous les spectacles vont être au Lion d'Or à 19h. Les 3 soirs. Rar. Et on va savoir c'est qui vont passer en finale à la fin de la soirée du 13 avril. Mais on sait qu'ils ont tous du talent, donc sûrement qu'ils ont tous un futur quelconque. Là, s'ils veulent vraiment continuer, ça pourrait fonctionner pour eux quand même, même s'ils gagnent pas. Yes, en effet. Et d'après moi, on va continuer à jouer pas mal de trucs dans le palmarès. Ouais. Et ça, des artistes qui sont là, je pense qu'il y en a seulement 2 qu'on n'a jamais fait jouer encore. C'est ça, parce que c'est quand même des artistes connus. Là. On parle de Karim Ouellette. C'était quoi les autres? Taco Tubo qu'on a fait jouer tantôt. Cardinal qui est sur le palmarès. Taco Tubo, Cardinal qu'on fait jouer, les Incendiaires, Harvey, Karim Ouellette et Tracteur Jack. Voilà, tous des groupes très connus. Petite étoile, assez ici. Exactement. Ouais. Ensuite de ça, le 12 Sons avec 2 U, à savoir, qui vont être à la Sala Rossa. Très bon groupe que j'ai découvert l'année passée. Le 14, Ariel qui va être du côté de Québec au Cercle. Le 15 avril, grosse journée pour les spectacles. À Trois-Rivières, Vincent Vallière à la salle Anaïs Salard-Rousseau. Black Lips qui va être au National. Black Lips qui sont en tournée pour tout le mois d'avril. Et c'est la seule date au Québec. Il y a 2 seules dates au Canada. L'autre, c'est le lendemain, le 16 à Toronto. Toujours le 15 avril, Megan Smith au Cercle. Megan Smith qui a gagné meilleure nouvelle artiste au Junos le mois dernier. Alpha Rococo en Mauricie au Centre des Arts de Shawinigan. Et finalement, Feu de forêt dans le désert au Zenob avec Elfin Saddle et L'Oreille à 60 cordes. Est-ce que vous connaissez? L'Oreille à 60 cordes. Non. Non, moi je connais pas. C'est intriguant. Non plus. Non plus. Ça c'est que vendredi. Vendredi, oui, ça doit être ça. Que vendredi. Ouais. Tabarouette, hein? Ça leur fait des spectacles? Il y a du choix en masse. Juste dans la région, il y a quoi? Il y a Vincent Vallière, il y a Alpha Rococo à Chaoui, et puis il y a... Feu de forêt dans le désert. Feu de forêt dans le désert. Aux Zenobes. Ouais. Tu penses que t'as de la misère avec le débat puis le match de hockey le même jour, là? T'as un peu, là. Les spectacles à Trois-Rivières. Hein? C'est encore pire. C'est ça. Et le lendemain aussi, il y a un autre spectacle à Trois-Rivières. Antoine Corriveau qui va être aux Zenobes. D'après moi, ça va être pacté. C'est sûr. Et même soirée, mais du côté de Montréal, Timber Timbre qui va être au Théâtre Corona. Et finalement, 17 avril, TV on the Radio qui va être au Metropolis. Wow! Wow! Il n'y a jamais eu autant de sorties, je pense, dans une même chronique. Take me out. Ouais, non, ouais, avec les Francouvertes, il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Ça en fait pas mal. C'est super, ça. Et on va aller écouter un peu de Karim Ouellette. Avec la pièce Après tout. C'est okay. La pièce de son vidéoclip. On écoute ça dans le segment Take Me Out de Stéphanie Gagné. C'est ça? C'est bien ça? Je sais pas. Ouais? Ouais, c'est ça. Cool! j'aime ça, that's it. Mais quand je m'en t'aide à penser de même, alors j'entends ma voix qui insiste. Tout est différent quand on est entouré des autres. Ou comme on est plus grand quand les enfants sont les nôtres. Karen Ouellette avec la pièce Après tout. Ça parlait de la fin de l'hiver, ça. Ça fit-tu bien? C'est joli, hein? On aime ça. On aime ça, la fin de l'hiver. Oh que oui, oh que oui. Donc, c'était dans la chronique Take Me Out de Stéphanie Gagné. Merci beaucoup à toi. Bien de rien. On Thank te retrouve you, dans quelques minutes avec ta chronique Ton plat favori. Qu'est-ce que t'en penses? Très bonne idée, je pense. On parle d'un spectacle que t'es allé voir, j'ai entendu dire. Ah, oh, okay, surprise, pas. Non, j'ai rien dit de plus, là. Voyons donc. Hey, j'ai même pas dit de détails. Hey, minute. Relax. On se calme le pompon. Qu'est-ce que tu essayes? Fais ses étirements, tu vois ça. Bien. C'est ouais, le matin, c'est mon gym du matin. Juge-les pas. Hein, bon. Laisse-le vivre. Non, c'est ça, on retourne en musique une dernière fois, avant de revenir après avec ta chronique, ça te va? Comme un genre de petite pause d'intermède de ça? C'est parfait. Autre chose, mettons, comme So High, mettons, de Ringo Dead Star, mettons. Hein. Mettons que j'avais à choisir. Ce serait celle-là, mon choix. Quoi? Je suis d'accord, j'aime ça. Ok, t'as l'air trop excité. Hein? Oh! Écaille! Vous êtes Assemblage Requis jusqu'à 9h, c'est l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Oh.

shade is back for head. What? I said, for what tell where a bargain fair like I did not change for a drink. There was a Robbie with the Bible and some bad news on the brink. He says, it's not too far now. Was getting dirty, and I begged the Lord for mercy. He said, oh, so now you want to come. Found myself in the garden of Eden, just as the sun began to rise. And we sipped red wine with our lips upon the vine, and our bodies got tangled. Telephone lines. We came down from the trees, singing and telling lies. Like you got to lose love if you want to find love. You got to lose love if you want to find love. And you got to lose love if you want to find love. And you got to lose love if you want. Kids, you cut their knees.

Vanessa Parietaire est comme une étoile dans l'océan sur leur EP ou Maxi Canicule et Ours Polaire à Assemblage Rookie. J'aime ça la fin. Oui, hein? C'est très calme. Ça me rappelle aussi un petit bumper d'Assemblage Rookie. Oui. Qui fait la même chose avec la même musique puis qu'on parle par-dessus puis ça a l'air de ça. Là, faut que t'expliques c'est quoi un bumper. C'est une affaire qui envoie ou revient d'une publicité, tu comprends? C'est un genre de petit. Un intro-outro? Ouais, ben c'est pas un. Moi non, mais proche de. OK. Si on veut un peu. Un peu, ça, mettons, ça c'est une intro de chronique qu'on va faire jouer, mettons, pour parler de sport, mettons. Ça c'est une intro. Nounou! Un chandail ici là, que je peux plus sentir qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. C'est ce que je vais faire là, c'est un fade vers le milieu, fade, mais pas complètement out, OK? Parce que tu veux une tune en background. C'est hein? Ça, exactement. Ouais. Comme mettons ici, là, je partirais un, ce qu'on appelle un bed dans le domaine. OK? Ça va jusque-là? Voilà. D'accord. Bon. Et là, ouais, c'est un bon petit cours, ça. Quand même un cours. Et ça, ce qu'on entend là, c'est la voix de Nicolas Ducharme. L'émission, l'inconduit de partie, nous suit à 9h. Et lui, c'est l'animateur. Très belle voix de Nicolas Ducharme. L'émission qui a la plus longue intro, c'est fou à peu près. 3 minutes 15, je pense, de Une 18. D'accord. Selon les dernières statistiques. Donc, Nicolas, de quoi est-ce qu'on parle à l'émission d'aujourd'hui? Ce matin, on va discuter. Ben, c'était le Masters hier au golf. Probablement le premier tournoi majeur qui ouvre un peu la saison aussi de golf. Là. On sait qu'après ça, on va avoir droit à des verres et des gens qui font des coups mille fois meilleurs que ce que je suis capable de faire sur un terrain de golf. On va parler course automobile. On va parler. Bon. Ça commence jeudi, les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Canadiens-Boston, encore une fois un classique. Quoi dire de plus que... Oh, que j'ai hâte. Encore une fois, Montréal va s'embraser. Le Québec va s'embraser à un tel point qu'on a dû repousser le débat des chefs. plutôt pas le repousser, mais le devancer, qui va discuter mercredi. Donc, si vous demandez aux Québécois qu'est-ce qui est plus important, selon Gilles Duceppe, c'est le hockey. Ouais, non, sommes-nous surpris. Pas le plus important, mais le plus intéressant. Il faut faire une distinction, là, parce que les gens sont quand même... Ça ne veut pas un peu dire la même chose. Ouais. Et si non, tu choisis d'en déplacer un, si tu déplaces le débat, c'est comme dire que c'est lui le moins important quand même. Ouais. Oui, mais c'est quoi? Oui, mais... En fait, la politique, t'es un fan de sport, je pense que la politique a quand même plus d'impact que le sport. Oui, bien justement, fait que si on est rendu à un tel point où est-ce qu'on considère que c'est plus important d'écouter un match de hockey que d'écouter un match de débat, si on veut dire, si on peut dire plutôt, c'est un signe que pour la plupart des gens, la politique est moins importante. Oui. Moins intéressante. Moi, je suis pas prêt à dire importante, mais bon. C'est mon point de vue à moi, là. Wow. En tout cas, en plus, Elisabeth May sera pas là. Non, en plus. Ouais, j'aimais tellement ça entendre parler de quelqu'un qui a juste une vision qui pas vraiment de ligne de parti. Pas de ligne de parti, ça, y en a une. Là, c'est prends ta voiture hybride puis aie un ton au teint grâce à ça. Qu'est-ce que t'en penses vraiment, Nicolas? Quoi? Il y a un épisode de South Park qui est là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Non. Les gens qui ont des hybrides, souvent, vont s'en vanter beaucoup. Ouais. Ça. C'est sûr. L'épisode porte là-dessus. Mais pas tout le monde. Il y en a qui le font vraiment, vraiment pour le bien de la planète. Ça peut ouais, être. Je dis pas qu'ils le font pas pour le bien de la planète, mais il y en a beaucoup qui vont le faire. T'sais, ça change pas. Ça change pas une tonne tant que ça. Là. Mais bon, peu importe. C'est une personne parmi les bons. Bref, c'est pas l'émission d'environnement, ton émission. C'est alors, cette semaine à Éco-Nature, on va discuter de la venue des canards, le retour des canards du côté du parc de la Mauricie. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, tu aurais pu parler en fait de voitures hybrides. Je reviens sur ce sujet. Vas-y. Je vois les éclairs dans vos yeux. Uh-huh. La Leaf qui fait son entrée au Canada. Oui. Est-ce que vous en avez entendu parler? La quoi? La Leaf. C'est la Nissan Leaf. C'est une voiture. Ah, la Leaf. Okay. Ouais. Feuille. Totalement, pas comme les Maple Leafs. Totalement électrique. Oui. Aucune. C'est même pas hybride. Ouais, ben il y en a une chez Mitsubishi aussi, là, la Miev, si je me trompe pas. Qui est au même titre et même je pense juste électrique aussi. Ouais, juste électrique aussi, même Hydro-Québec l'utilise pour faire des tests. Bon parce qu'on n'est pas cave hein, du côté de Hydro-Québec là, ça chiale là que on fait trop de projets électriques, on a des surplus pis tout, mais dans 10 ans là, probablement qu'il y a des bonnes chances que les voitures, une bonne partie soit faite maintenant, soit faite électrique. J'estime ça à 10 ans, on disait probablement ça v'là 10 ans aussi et v'là 40 ans on disait que les voitures allaient voler, donc ça a le temps de changer, mais j'ai l'impression que si tout le monde se met à, entre parenthèses, tanker son char à l'électricité, ben ça va être une manne d'argent pour Hydro-Québec. Ouais. Donc, la consommation va augmenter. Mais pas juste ici. Aux États-Unis aussi, ça va être la même chose. Donc, c'est pas niaiseux. Tu sais, quand la vague va arriver, il faut déjà que tu sois sur ta planche de surf. Mmh. Quand la vague arrive, faut pas que tu sois dans l'eau. Je pense que c'est ça qu'Hydro-Québec essaie de faire. Mmh. Mais les écologistes, encore là, diront qu'on perd du temps et on détruit des rivières. Chacun sa vision. Ouais, ça laisse très peu de temps pour du sport dans les chroniques de sport. Oh non, mais à part de ça, on parle de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec, les Cataractes qui sont fait planter deux fois à Québec en fin de semaine. Puis Shawinigan qui a la Coupe Mémoriale. Et Shawinigan, ben là, on en a parlé la semaine dernière. Là. Par contre, là, on ne reviendra pas nécessairement là-dessus ce matin, mais quoi que ce serait très vert de rester le sujet, mais bon. Je recycle, oui. Non, ça, c'est de la manque de préparation, c'est pas du recyclage. Félicitations aux jeunes de la Mauricie. Félicitations. Ouais, c'est très cool. Ben, on n'a pas parlé à l'émission, mais. Ouais, c'est ça. J'ai compris que tu m'amenais sur ce sujet-là, mais malheureusement, c'est pas une tonne de temps. Mathieu va nous couper dans une minute. Mais félicitations, oui. La Mauricie au complet, puis comme on disait, bon, ben, ça a une chance de donner une visibilité à une région qui en a bien besoin au Québec, oui. Qui a souvent été, bon, plus qu'on en parle plus pour ses pertes d'emploi, ses mauvaises nouvelles. Et de l'autre bord du fleuve, la centrale Gentilly, qui malheureusement pour le Québec au complet, Bécancour Gentilly, c'est une centrale nucléaire seulement, alors que c'est beaucoup plus que ça. Pareil pour la Mauricie, bon, c'est pas juste des usines de porte et papier. Donc, ça va être une très belle image. Et bon, on peut voir à toutes les autres villes du Québec que ça vaut à peine de construire un aréna neuf et non pas continuer à jouer dans un aréna qui a 60, 70 ans, 80 ans, comme présentement Trois-Rivières. Ça vaut à peine de donner un petit coup puis un petit investissement. Gars, il va être rentabilisé dans pas long, cet aréna-là. Le vieil aréna, qu'est-ce qui se passe avec Shawinigan? T'es encore debout, là. Je pense qu'il sert de salle de rangement. Il parlait un moment donné d'en faire un genre de centre de gymnastique. OK, il n'y a plus de glace, là. Non, il n'y a plus de glace. En tout cas, pas à ma connaissance. Il n'y a plus de glace à Jacques Plante. Oh. Ouais, probablement pas, parce que c'était la Coupe Dodge en fin de semaine puis il n'y avait pas de match à Jacques Plante, à ma connaissance. Donc, pour pratique, non, ça... Non, il y a d'autres arénas, là. Puis c'est parce que ça coûte plus cher à ouvrir un aréna comme ça, là. Un aréna qui vit comme ça en dépenses énergétiques, c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est ce qui explique d'après moi pourquoi la ville de Shawinigan n'a pas le goût de le laisser ouvert. Merci, Nicolas. Ça me fait plaisir. Nicolas. On te retrouve à la conduite de partie à 9h, 7:32 secondes. Tout à l'heure, juste après nous, après les nouvelles de Radio-Canada. Soyez avec nous demain matin à Assemblage Requis entre 7h et 9h. On va avoir la présence d'Émilie Gauthier, sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Spécial sortie en amoureux demain. Oh, ça va être plaisant. Oh, ça va être beau, ça va être beau. On a aussi Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littérature demain. Alors, oui. Je pense que c'est son top 5 de ses livres à lire absolument. OK, top 5 de sa vie. Et voilà, c'est demain entre 7h et 9h. Restez à l'écoute donc pour les conduits de partie. Ensuite, c'est le dîner de con à 11h, les bêtes révolantes à 13h, on se la joue à 15h. Et ensuite, la voix est libre à 16h. Merci Mathieu. Bonne journée à toi. Merci à toi François. Bonne journée. Bye. Bye bye. Ça te prend comme encore 20 secondes. On a toujours 20 secondes de lousse pour être sûr de vraiment rentrer. Donc après ça, ce qui arrive, c'est que je vais monter la chanson. Après ça, je vais écouter Radio-Canada en fond. Moi. OK. Là, je vais écouter Radio-Canada en fond. Ensuite, je vais descendre Radio-Canada, partir l'intro de Radio-Canada. Après ça, faire entrer Radio-Canada. Après ça, après Radio-Canada, ça va être fermé. Radio-Canada va être visité. Blablabla. Super long. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.